Au niveau de l'éducation nationale, donc comme vous le savez, on est tous les jours en fait quand même mobilisés avec voilà, des taux de grève qui sont variables, mais on a des grévistes tous les jours dans l'éducation depuis le 5 décembre, mis à part évidemment la période des congés scolaires. Il y a encore aujourd'hui voilà, des taux de grève qui sont importants dans la plupart des établissements scolaires, peut-être un peu moins dans les écoles, mais en tout cas dans les établissements du second degré, il y avait encore beaucoup de grévistes. Ça se voit, hein, c'est sûr, encore dans le cortège. On était en assemblée générale ce matin, c'est pareil, c'est une habitude qu'on a pris et on arrive à se réunir quand même relativement souvent et à discuter beaucoup. Donc il y a une échéance là, vous savez, je pense maintenant, mais encore faut-il peut-être bien l'expliquer. Les épreuves, ce qu'on appelle anticipées du baccalauréat, de contrôle continu désormais avec la réforme du bac, qui vont toucher en fait les élèves de première, hein, qui sont cette année en première dans les lycées, démarre pour un certain nombre de lycées de l'agglo. Ils ont fait en sorte que ça ne soit pas tous et toutes, hein, pour tous et tous les élèves les mêmes dates, mais ça démarre pour beaucoup de lycées de l'agglo lundi. Voilà, donc il y a déjà eu du bordel qui a été fait dans d'autres académies. Il y a des endroits où les proviseurs commencent à annuler les épreuves. Ces épreuves, elles sont profondément voilà, à la fois mal organisées et surtout, voilà, on a contesté d'une manière générale la mise en place de ce nouveau bac et ces épreuves, elles vont avec ça. Hein, donc c'est le refus de les faire passer par les collègues, mais aussi à destination des élèves et des parents d'élèves. C'est très important d'expliquer pourquoi ces épreuves, elles sont néfastes. Elles vont casser en réalité l'égalité qui n'était pas déjà super chouette dans l'éducation. Elle, ça va contribuer vraiment à faire des bacs selon les lycées dans lesquels vous allez les passer. Hein, ça va contribuer à faire un tri social encore plus fort vis-à-vis du recrutement pour l'enseignement supérieur. Bon, y a une logique voilà, profondément libérale et destructrice de l'éducation qui va se concrétiser avec ces nouvelles épreuves. Donc l'idée, c'est qu'elle n'ait pas lieu, en tout cas qu'elle n'ait pas lieu normalement. Et qu'en tout cas, ça soit visible, que ça ne passera pas comme Blanquer et toute sa clique veulent le faire. À l'AG, on a aussi proposé un rassemblement devant le rectorat pour montrer évidemment à notre administration qu'on est toujours mobilisé, et on a proposé qu'on puisse refaire une action comme on avait fait donc lundi matin au niveau du rectorat, qu'on le fasse cette fois devant l'inspection académique. Pourquoi l'inspection académique? Parce qu'en fait, sont en train de tomber en ce moment ce qu'on appelle les dotations horaires globales de tous les collèges du département, dont on sait qu'elles vont être particulièrement sévères. Il va y avoir beaucoup de suppressions de postes, un nombre d'heures sup très important et une dégradation encore plus forte des conditions de travail et d'études. Donc vous voyez, on va être en action et en lutte une bonne partie de la semaine.